Fans de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Paget Nancy 94.2, Xavier à la technique, casé en votre compagnie, pour vous présenter la cerise sur le canto numéro 52. Un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et même des tubes de demain. Un jury neutre, impitoyable et incorruptible classe les titres diffusés et établit ainsi le classement. Résultat de l'émission précédente de la cerise sur le canto numéro 51, c'était il y a 15 jours. Médaille de bronze, 1, 2, 3, Catherine Ferry. Aimer de toi et chanter la la la la la la la. 1, 2, 3. La vie n'est pas pour moi un livre de Kafka. 1, 2, 3. Jouer, jouer, musicien, enchante-moi, magicien. Tourne, tourne dans ma tête à moi, fais briller les yeux. Ce paladin, dans la ronde folle, entraînez-moi, donnez-moi l'amour et la joie. Un, deux, trois. Qu'il pleuve sur les toits, qu'il neige sur les d'argent, je cherche fortune, Andéole Chartier. Je cherche fortune tout au long du chanois et au clair de la lune à Montmartre le soir. Chez boulanger, fais-moi crédit, j'ai pas d'argent, je paierai samedi. Si tu ne veux pas, donner du pain, je te fourre la tête dans ton pétrin. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Ta gueule. Je cherche fortune tout au long du chat noir et au clair de la lune à Montmartre le soir. J'ai monsieur le boucher, fais-moi crédit, j'ai pas d'argent, je paierai samedi. Si tu ne veux pas, donner de gigot, je te fous la tête dans ton frigo. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Ta gueule. Je cherche fortune tout au long du chat noir et au clair de la lune à Montmartre le soir. Chez le cordonnier, fais-moi crédit, j'ai pas d'argent, je paierai samedi. Si tu ne veux pas, donner de sabots, je te fourre la tête sous ton marteau. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Ta gueule. Je cherche fortune tout au long du chat noir.

Révélée en 2013 par The Voice, Louane est devenue une des chanteuses préférées des Français, avec plus de 2 millions d'albums vendus. Après une pause méritée et la naissance de sa fille Esmé en mars dernier, elle revient à la musique avec « Donne-moi ton cœur », premier extrait d'un nouvel album à paraître prochainement. Synthé aérien, rythme électro et phrasé hip-hop, ce comeback porte la patte du rappeur belge Damso. Peut-être un tube de l'été ? Donne-moi ton cœur, Louane. Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste, où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. T'es pas. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Avant d'être capitaine, il faut être matelot dans la vie. On évolue par étapes et pour accomplir de grandes choses, il faut d'abord passer par de petites. Avant d'être capitaine, Toscani. Matelot, c'est un enfant des quatre coins du monde. Il a vogué par tous les temps, sous les cieux à la ronde. Il rêve la nuit dans son hamac, qu'il a dans le fond de son sac, de bien jolis galons. Mais faut faire attention, attention, avant d'être capitaine, il faut être matelot. Porter la blouse de laine, le béret de son bateau. Faut grimper aux mains de misaine, de souquer dur et boire un pot. Et boire un pot avant d'être capitaine, il faut être matelot. Le matelot à chaque port, sans l'amour qu'il l'appelle, avec ses copains de bâbord, il va trouver les belles. Ils sont parfois 18 garçons, pour une fille aux cheveux blonds, et si vient le capiston, c'est lui qui prend le menton du tendron. Avant d'être capitaine, il faut être matelot, et se dire, si je n'ai pas de veine, je suis quand même jeune et costaud. Le capitaine n'a des aubaines qu'en donnant ses Monaco. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Depuis qu'on chante cette chanson aux quatre coins de la terre, on dit aux jeunes polissons qui en savent plus que leur père, attention mon brave petit gars, va doucement, ne t'emballe pas, pour réussir garçon, pour gagner ses galons, avant d'être capitaine, il faut être matelot. Portez la blouse de laine, le béret de son bateau, faut grimper aux mains de misaine, sous quai dur et boire un pot, et boire un pot. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Il faut être matelot. En 1977, le concours Eurovision de la chanson se déroulait au Royaume-Uni. À Londres, 18 pays s'affrontaient. La France était représentée par Marie Myriam et sa chanson L'oiseau et l'enfant. Une chanson écrite par Joe Grassi sur une musique de Jean-Paul Carra. C'est grâce à cette chanson que Marie Myriam, alors âgée de 19 ans, remportait le concours, marquant ainsi la 5e victoire de la France au concours Eurovision. L'oiseau et l'enfant, Marie Myriam. Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves nous donner un monde d'amour. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi. L'oiseau, c'est toi. L'enfant, c'est moi. Moi, je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons Malade dévoile le premier extrait de son album « Mesdames », une chanson d'amour teintée de mélancolie qui démontre une image loin de la perfection de ce sentiment amoureux. La réalité prend vite le dessus. Un couple d'amoureux qui vit une histoire d'amour déchu. Aimer n'est pas toujours joyeux. La vie en rose est plus un mythe qu'une réalité. Mais je t'aime, grand corps malade, Camille Lelouch. D'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. On m'avait dit attends, tu vas voir. L'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup. Et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final le feu, ça brûle. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perfore. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal. Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais je t'aime. Je t'aime. Une chanson de l'an 2000 indémodable, une chanson mélancolique à travers Isabelle Boulay, la chanteuse canadienne qui exprime sa douleur ainsi que sa souffrance dans sa vie de couple. Des paroles lugubres qui annoncent vivement une rupture pourtant non désirée. Isabelle Boulet évoque l'ambiguïté que vit sa relation, la distance qui s'installe entre les deux amoureux et invoque l'homme de sa vie afin d'apaiser cette tragédie. Parle-moi. Ce n'est pas formulé sous la forme d'un ordre, mais plutôt un souhait. Une prière. Parle-moi, Isabelle Boulet. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. J'ai tant de fois voulu t'écrire et tant de fois courbé le dos. Pour revivre nos souvenirs, j'ai même aussi frôlé ta peau. Bon, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Parle-moi, parle-moi, je ne sais plus pourquoi. Et pourquoi continuer? Tu es là, mais tu es si loin de moi. Je ne sais plus comment poursuivre cet amour qui n'en est. Je ne sais plus que souffrir, souffrir autant que j'y ai cru. Et je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus pour qu'enfin cesse la dérive. Une chanson française écrite par Hector Monréal et Henri Blondeau sur une musique de Henri Chateau. Elle fut chantée la première fois sur scène par la chanteuse Juliette Méhali en 1897. Froufrou a été repris par de nombreux interprètes, dont Berthe Silva, Lina Margi, Johnny S, Suzy Delair, Daniel Darieux, Mado Robin, Matt Alteri, Ligne Renault, et Coco Ateba pour l'émission de Christine Bravo, et c'est cette dernière interprétation que nous avons choisie. Foufou, Coco Ateba. Foufou, foufou, par son jupon la femme. Foufou, foufou, de l'âme trouble l'âme. Froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, foufou, foufou. Par son jupon la femme, foufou, foufou. De l'âme trouble l'âme, foufou, foufou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le foufou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose. Il fait des crises et devient fou. Par son jupon la femme, foufou, foufou. De l'âme trouble l'âme, foufou, foufou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil foufou. En culotte me direz-vous, on est bien mieux à bicyclette. Mais moi je dis que sans foufou, une femme n'est pas complète. Lorsqu'on la voit se retrousser son cotillon nous en sort seul. Son froufrou c'est comme un bruit d'aile qui passe et vient vous caresser. Yeah, yeah, yeah. Froufrou, froufrou. Par son jupon la femme, froufrou, froufrou. De l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. Froufrou, froufrou. Par son jupon la femme, froufrou, froufrou. De l'âme trouble l'âme, froufrou, froufrou. Certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. Habibi, un mot arabe qui signifie mon amour en français. Une collaboration avec Slimane qui aiguise sa plume afin d'écrire les paroles de la chanson. Une histoire d'amour teintée de mélancolie. La nostalgie, les souvenirs, son obsession pour la femme qui partageait sa vie. Kenji Girac marie à merveille les sonorités orientales aux sonorités espagnoles, sans doute pour en faire le tube de l'été 2020. Habibi, Kenji Girac. La quand tu ris, quand tu pleures, quand plus rien ne compte à tes yeux. C'est la vie, n'aie pas peur, rien au monde est plus fort que nous deux. Qui a dit que les fleurs ne poussent que près de chez eux? Là, ils diront que c'est mieux qu'on se quitte, l'amour. La raison vaudrait mieux qu'on se laisse, mais mon amour, je me souviens encore quand tu me disais, ya habibi, ya habibi. On se disait pour la vie, j'ai juré ta promis, ya habibi. Là, quand je pleure, quand je crie, je sais que tu es là. Je me perds dans le lit quand toi tu n'y es pas. On m'a dit prends le pli, mais je ne pense qu'à toi. Là, dans mon cœur, ça fait mal. Je ne fais qu'y penser quand mes yeux font des larmes, quand les choses m'ont blessé. Je me souviens encore quand tu me disais, ya habibi, ya habibi. On se disait pour la vie, j'ai juré ta promis, ya habibi. Une chanson de 1973 de Guy Béard. C'est après que ça se passe. Elle la met en exergue à travers sa voix angélique tout en l'imprégnant de sa touche personnelle. La chanson aborde la fuite du temps. C'est à tort que les hommes se plaignent de la fuite du temps en l'accusant d'être trop rapide. Sans s'apercevoir qu'il s'écoule à la bonne vitesse. C'est après que ça se passe, Carla Bruni. Ce n'est jamais, jamais, jamais pendant. C'est après que ça se passe. Les regrets vous entrent dedans. Après que le fil se casse. Sur le moment, on est abasourdi. On se dit quoi? On se dit. Je ne sais pas ce qui m'arrive à moi. J'ai trop chaud, j'ai froid. Qu'est-ce donc qui m'éveille ainsi autant? Et pourquoi soudain ce cœur battant? Ça fait ce pli. Ce n'est jamais, jamais, jamais pendant. C'est après que ça se passe. Mon Dieu, que c'était imprudent de changer ainsi de place. Ah, si l'on avait su, l'on avait su, on aurait gardé notre coin perdu. Tous ces voyages que l'on s'est permis et tous ces amis qui prenaient tant de mots, tant de regards. Et quand je t'ai conduit à la gare, cette blessure. Ce n'est jamais, jamais, jamais pendant, c'est après que ça se passe. Qui est le vainqueur, qui est le perdant? On en a perdu la trace. Qui est parti le premier? Qui a couru après dans l'escalier? Qui a marché, qui est revenu? Ça ne compte plus. Qui a fait mal et qui a trop souffert? Peu m'importe, tout va de travers. Et l'enfant, l'enfant que tu aimais, qui n'arrivera jamais. Ce n'est jamais, jamais, jamais pendant, c'est après que ça se passe. L'amour, la vie, tout devient évident. La brûlure et la vivace. On s'appelle, on se dit allô, allô. Souviens-toi du dimanche au bord de l'eau, de cette fois où tu as pris la fuite, tout près du grand huit. Tu riais aux grands éclats. Je regardais ailleurs ce jour-là. Et j'ai beau regarder aujourd'hui, je ne vois que la jamais, jamais, jamais pendant, c'est après que ça se passe. On n'a rien senti pendant l'accident, rien senti de la menace. On s'est dit au revoir en souriant, copain, copain, tranquille, insouciant. Je t'ai serré un peu entre mes bras. On s'appellera ce prochain rendez-vous manqué, grippé. Le veux-tu, on va le rattraper. Tout cela vient trop tard, vient trop tard. Les soirées d'été, le lâcher prise, la bonne humeur et la positivité sont dans l'air. Un peu d'ivresse aussi pour passer un super bon moment avec Amir sur la fête. Son nouveau, son dansant et coloré, dans lequel il a invité tout le monde à laisser de côté tous les problèmes, tous les tracas du quotidien pour profiter et kiffer. La fête, Amir. Il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long. Avec un peu d'ivresse, viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait la misère. T'as le moral sur une civière. T'es encore fatigué d'hier. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire, on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. Tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse. Viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. C'est rien. Dans ton café t'as mis du sel. C'est rien. T'es trop petit pour toucher le ciel. C'est rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite.